La circulation à double sens commence au panneau. Réponse A. À 50 mètres. Réponse B. À 150 mètres. Réponse C.